franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Annie Girardot, l'inoubliable, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Isabelle Bourna, réalisée par Catherine Lemire. ...1989 est une date qui s'inscrit comme un tournant dans la vie d'Annie Girardot, car c'est l'année où elle perd sa mère. Bien qu'elle ait 58 ans, cette disparition la laisse désemparée, perdue, déprimée. C'est que tout remonte en elle, une blessure cachée, un manque, un vide dans son existence, l'absence du père. Annie Girardot est née le 25 octobre 1931 de père inconnu. Elle a un frère de 5 ans, son aîné, et sa mère, seule pour élever ses deux enfants, place Annie pendant 4 ans chez un couple d'amis afin qu'elle puisse terminer ses études de sage-femme. Quand Annie retrouve le foyer maternel, elle peut enfin jouir d'une enfance heureuse en Normandie, auprès de sa mère, femme particulièrement décidée, courageuse, volontaire. Nommée Raymonde, elle sera un pilier dans la vie d'Annie, tout à la fois mère douce, rassurante, éducatrice exigeante, confiante en l'avenir, battante, lui transmettant toute son énergie. En 1944, le trio rejoint Paris. Raymonde reprend son travail et organise une nouvelle vie où la curiosité de la vie parisienne et des spectacles les amuse follement. C'est elle d'ailleurs la mère, pressentant le talent de sa fille, qui inscrit Annie en 1949 à l'école de théâtre de la rue Blanche. La suite, on la connaît. Sortie du conservatoire en 1954, bardée de prix, Annie est engagée à la Comédie Française, puis repérée par Cocteau et très vite embarquée dans une magnifique carrière au cinéma sous la direction de Carnet, Lelouch, Visconti, j'en passe évidemment. Tout au long de ces années, et même en pleine célébrité, Raymonde est toujours là, au plus près de sa fille, vivant dans un appartement mitoyen du sien, et très présente dans son quotidien, la soutenant et tenant indéfectiblement sa place de mère solide et rassurante. Néanmoins, même si le sujet n'est quasiment pas abordé entre Annie et sa mère, ni avec son frère d'ailleurs, le mystère du père absent pèse lourd. La présence forte et active de sa mère masque apparemment ce vide, mais une douleur sourde ou une incompréhension s'est insinuée dans la tête d'Annie. Un désarroi se creuse, c'est une faille. Malgré la naissance de sa fille Giulia avec le comédien Renato Salvadori, Annie s'empêtre dans des situations amoureuses difficiles et tout en étant une comédienne très récompensée et particulièrement aimée du public, elle demeure sous un aspect franc et direct, une fillette, oui une fillette, qui a besoin d'une protection pour ne pas sombrer. Sa protection la plus sûre, c'est incontestablement Raymonde. Alors, la mort de cette mère si proche, c'est comme la levée d'un voile, la mise à nu d'une fragilité, une inquiétude qui refait surface et bouleverse l'édifice de sa personnalité. Pour prolonger la fiction et ce moment passé avec Annie Girardot, nous recevrons Léo Bardon. Il était l'assistant personnel de l'actrice et il a partagé de longues années de vie et de travail avec elle. Léo Bardon a écrit un livre sur leur relation intitulé « Annie, te souviens-tu ?» aux éditions Michel Lafond. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Annie Girardot, l'inoubliable, de Isabelle Bourna. Réalisation, Catherine Lemire. Enfin. Bon. Où est-ce qu'il est, ce foutu démaquillant? Ah. Il en a mis du temps à mourir ce soir, le roi. Le roi se meurt. Le roi se meurt. Le titre est bien trouvé. Tu parles. C'est moi qui suis KO. Épuisé. Quel bazar. Et le coton. Ah. Magnifique. Magnifique. Ah. Ils auraient pu crier bravo et s'en tenir là. Eh ben non. Il fallait qu'il crie « Magnifique !» Un mot qui commence par « M ». Ouais. Oh, chère et grande Annie, je vous félicite, je vous admire, je vous adore. Ah, mon Jean-Claude. Je suis contente de te voir. Et j'espère bien. Tu peux pas savoir. Vraiment. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui va pas ? Larmes et sourires en même temps, ça c'est du Girard d'eau pure, Jules. Tu me connais. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me sens toujours aussi bon, toi. Mmh. Ah. Ça fait du bien. Tu as été merveilleuse. Le public est conquis tous les soirs, tu joues une pièce formidable, d'un auteur formidable, et tu pars bientôt en tournée. Alors ? Je sais, je sais. Je te dirai jamais assez merci. Jouer du UNESCO. C'est un honneur. Avoir pour producteur Jean-Claude Brialy, qui plus est un ami, c'est le rêve. Je suis en confiance. Je sais que la tournée est bien organisée. Mais... C'est bête. C'est vraiment bête. Oh, ça y est, ça coule. C'est malin. J'attends. Je vais pas bien. Oui, j'avais remarqué. C'est bête. Annie. Mais qu'est-ce qui va pas ? Eh ben, c'est simple. Depuis que maman est morte, je me sens toute perdue. Voilà. C'est simple. Et c'est bête, hein. Tu as de la chance de pouvoir pleurer ta mère. Moi, j'ai dû fuir. Ça serait quand même bien que j'arrête de pleurer. Le problème, tu vois, c'est que je sais pas vivre sans elle. J'ai 58 ans. Et je sais toujours pas vivre sans maman. Elle a toujours été près de moi, toujours. C'était ma mère jumelle. Elle a toujours été collée à moi. Sauf quand j'étais toute petite, c'est drôle. Pense à ta fille. À ta petite fille. À ton amant. Julia est pas à Paris. Puis avec Bob, ça c'est filoche. Ça doit pas trop te surprendre. Ton petit chanteur, il est mignon, il est jeune, mais il te ruine. Puis il te comprend pas. Ouais, d'accord, t'as pas tort. Mais laisse-le tranquille, j'ai aimé Bob, c'est comme ça. Non, non, le souci, c'est pas lui. C'est que maman est plus là. J'ai peur, maintenant. Mais de quoi ? De tomber dans un gouffre. De perdre mes racines. D'oublier d'où je viens, de plus savoir mon histoire à moi. J'ai peur de perdre l'équilibre. Enfin, tout, quoi. Je sais pas, j'ai peur de tout. Tu comprends ? Bah, non. Non. Excuse-moi, je comprends pas bien. Maman savait des choses sur moi. Mieux que moi-même. Elle était la gardienne de mes souvenirs. Maman, c'était ma mémoire vive. Ah. Bon, dis-moi, t'allais rentrer chez toi, là, toute seule ? T'allais dîner ? Allez. C'est moi qui t'emmène dîner. Ah non, ouais, t'as vu ma tête, hein. Bah. Non, c'est pas possible. Bah, viens à la maison. Avec Marie, il y a toujours un petit plat. Tu viens ? D'accord. Mais dépêche-toi, enfile avant que tout le monde te saute dessus. Attends, j'enlève ça. Passe-moi le pull. Et voilà. Tu es parfaite. On est parti. Et on est allé en taxi rue du Foin, dans le Marais. Là où j'habitais depuis que j'avais dû vendre mon immeuble de la place des Vosges. Parce qu'après le rachat du Casino de Paris pour soutenir le spectacle de Bob Decoux, mon fameux chéri qui m'a coûté cher, j'avais croulé sous les dettes. Tiens, tu peux poser ta veste par là. Marie, c'est moi. Je suis avec un ami. Surprise. Voyons. Gratin de pommes de terre au cèpe. Marie est partie? On dirait. Et là... Tiramisu! Je suis preneur. Tiens, ouvre ça. Côte rôtie 1959. Sublime. Dernière fois que j'ai vu Marie, c'était chez Raymond, je crois. Il y a un an. C'est elle qui était auprès de maman quand elle est morte. Elle fait partie de la famille. T'étais où, toi? Mariage de Julia, sur l'île Maurice. Ça fait combien de temps, maintenant? 6 mois. Ouais. Ce soir, j'ai joué pour elle. Pour qui, Marie? Bah non, pour maman. Elle m'envoie des signes. Tu penses trop à Raymond. Bon, ils sont où, les verres? Là. Laisse le temps faire son travail. Le temps avec moi, il s'est gouré. Il est venu dans le désordre, monté n'importe comment. Il a raté son entrée dans ma vie. Et ça m'étonnerait qu'il s'en sorte bien. Et l'appartement de Raymond, tu le gardes? Bien sûr que je le garde. J'ai l'impression de la voir à sa fenêtre. On se dit bonjour, on se sourit, on se demande comment ça va. Tu es trop superstitieuse. Mais je t'assure. Elle se débrouille pour m'adresser des messages. Je sens sa présence. Tout à l'heure au théâtre, elle était vraiment là. Heureusement que Marie s'occupe de toi. Sinon, je serais inquiet. Tiens, tu vois, Marie. Marie. Ça commence par M. Ah oui. Et alors? Et alors, un voyant avait prédit à maman que la lettre M serait très importante tout au long de ma vie. Du début à la fin. Et ma vie, évidemment, elle a commencé par le M de mère. Puis mon premier grand rôle, ça a été dans La Machine à écrire, M. Puis il y a eu le succès de Madame Marguerite, encore M. Et puis le film Mourir d'aimer. Et Michel Audiard, bien sûr. M comme Mitterrand aussi. Oh, me dis pas que t'as su, ça a été furtif. Eh si, j'ai su quand même. Et M comme les marquises, tu sais ça? Oui. Enfin, Jacques Brel, ça commence pas par M. Bah, par contre, M comme manger, tu veux bien? Allez hop, à table. Tiens, à toi. À nous, à l'amour, à la vie, au nectar de la vie. Excellent. Ouais. Est-ce gratin, il est comment? Je te sers? Oh. C'est pas terrible pour ma ligne. Mais t'es toujours aussi séduisant, t'as pas de soucis à te faire. Je vais être présentable jusqu'au bout. Toi, Delon, vous êtes pas seulement des grands comédiens. Vous êtes des talentueux de la vie, toujours élégants. Vous avez le sens de la tenue existentielle. Je vous admire, hein, moi je sais pas faire ça. Moi je suis là, qui chavire au grand jour, incapable d'habiller les béances de l'âme. Les vides de l'existence. Ça permet d'avoir des choses à raconter. Tiens, tu devrais écrire tes mémoires. Ça commence par M. Et voilà. C'est ce que j'ai fait. J'ai noté tout ce que je pouvais. J'ai gravé les souvenirs sur le papier pour que ça disparaisse pas. J'ai appelé ça « Partir, revenir ». Comme le titre du film de Lelouch. Mais durant ce fameux soir, le pauvre Jean-Claude n'arrivait pas à partir. Sa patience me changeait de tous les amants que j'ai tellement aimés dans le tourment et la violence. Ce soir-là, j'ai parlé comme jamais. Faut dire que j'étais ivre. Pas seulement à cause du côte rôti. Ivre de tout ce qui remontait à la surface. Des souvenirs brouillés que la mort de maman avait réveillés. Yves de mon passé. À Jean-Claude, j'ai enfin pu raconter cette scène de 74 avec maman. Chez Bocuse. À Lyon. Mémorable scène. Trouée de soleil dans ma tête d'enfant craintive. Une perforation si lumineuse qu'elle vous aveugle. Bouche l'horizon. Maman avait terminé son omelette norvégienne. Moi, ma charlotte glacée. Et là, en sortant un mouchoir de son sac, elle a fait tomber quelque chose. C'est quoi ? C'est une photo, fais voir. C'est peut-être pas la peine. Bah, comment ça ? Allez, maman, montre-moi. Bon, si tu y tiens, regarde. C'est qui ? Tu vois bien ? Tu sais bien ? Bah non, je sais pas, non. Dis-moi. Enfin, dis mon bébé, tu vois bien. C'est Auguste. Auguste. Et Auguste quoi ? Auguste, ton père. Mon père ? Maman, tu m'as jamais rien raconté et tu me dis là que c'est mon père ? C'est pas la peine de raconter. Ce que tu as vécu avec ton père, tu l'as vécu. Mais qu'est-ce que j'ai vécu avec lui ? Tu le fais débarquer tout à coup, là, quand on en est au dessert, et tu fais comme si c'était normal. Explique-moi. Tu le sais que t'as un père. T'es pas comme les enfants de l'assistance publique avec lesquels tu jouais. Ceux dont je m'occupais lorsque je travaillais comme sage-femme. Toi, t'as un père et une mère. J'ai un père. Non, mais je rêve. J'ai un père. Ah oui, ça, je suis pas tombée du ciel, je m'en doute. Mais j'ignore tout de mon père. T'as jamais voulu m'en parler, fais pas semblant. Auguste, voilà, c'est tout. Prends ça et terminé, c'est tout ce que j'ai eu jusqu'à présent. Un prénom. Il est mort il y a si longtemps. Il s'appelle Auguste Efflinger. La dernière fois qu'il t'a serré dans ses bras... Quoi ? Il m'a serré dans ses bras ? Tu avais 1 an et demi. C'était à l'hôpital. Il était malade. Je t'ai emmené le voir en cachette. Il est mort peu de temps après. Mais en cachette de qui ? De sa famille. Il était déjà marié et il avait 3 enfants. Mon père m'a serré dans ses bras. Mon père m'a serré dans ses bras. C'est maintenant que tu me le dis ? Maman, quoi, mon père m'a tenue contre lui ? Oui. Oui, ma petite Nanny. Moins fort, tout le monde nous regarde. Mais je m'en fiche. Et puis tant mieux. J'ai un papa qui m'a serré contre lui. Mais si c'est pas un grand jour, ça ? Et avec tellement d'amour. Tellement. C'est pas racontable, tant d'amour. Oh, maman. J'arrive pas à y croire. Tu m'en veux, Nanny. Mais si je t'en veux... Mais je peux pas t'en vouloir, c'est pas possible. T'es encore plus belle. Encore plus incroyable. T'es une mère qui ressemble à aucune autre. Je suis heureuse, là. Je suis heureuse plus que jamais. Il a les yeux bleus. Regarde. Il est alsacien. Oh. Ça tourne. Tu veux de l'eau ? Non, merci. Mais donc, j'ai des demi-frères et sœurs ? Oui. Jusque-là, j'avais Jean, mon grand frère, et tout à coup, tiens, 3 de plus. Enfin, 1 demi. Oui. Et Jean aussi, alors ? Jean aussi, il a vu papa ? Oui. Ça fait beaucoup, tout ça. Mais pourquoi il n'est pas officiellement mon père, alors ? Il était impossible, dans son milieu bourgeois, de divorcer. Mais quel amour ! Quel amour que le nôtre ! Il aurait été là, toujours tout près de nous. C'est la mort qui nous a séparés. Rien d'autre. Tu te rends compte de tout ce que j'apprends, là ? Tout ça d'un seul coup ? Tu réalises là tout ce que je reçois d'un bloc? J'avais pas à te l'apprendre puisque t'as connu ton père. Tu le savais. Ça fait partie de toi, c'est dans ton sang. Ça coule dans ton corps. Ça palpite dans ton cœur. Mais maman, comment voulais-tu que je m'en souvienne si j'avais pas plus d'un an et demi? C'est quand même inscrit quelque part dans ta mémoire, puisque tu l'as vécu. Ce qui est vécu est vécu. J'en suis le témoin, je peux te le garantir. Tout ça a existé. Aucun doute. C'était peut-être dans ma mémoire, mais dans la première couche, si lointaine. Comme un film dont la bobine est à moitié effacée. C'est là et c'est pas là. Après la mort de mon père, ma mère s'était retrouvée seule avec mon frère aîné et moi, tout petit. Elle n'avait pas terminé ses études. Personne ne pouvait l'aider. Alors elle m'a placée chez un couple d'amis. Un jour, ils se sont mis dans la tête de m'adopter. Du coup, maman m'a récupérée, définitivement. J'avais 6 ans. 6 ans, quand j'ai commencé à vivre vraiment avec elle et mon frère, en Normandie. Au début, je me disais vaguement que j'étais une bâtarde, mais je m'en fichais. Dans la maternité de l'assistance publique où exerçait maman, ça passait. Sauf qu'une nuit, en juin 44, patatras. On aurait dit la fin du monde. Dans une cave, entre 2 explosions, avec une assurance inouïe, une autorité de grande personne. J'ai brisé le silence de mort. J'ai osé. Tout va s'arrêter. Pour toujours. Ne crains rien, Manani. Ne crains rien. Les avions sont partis. On n'entend plus rien. Ils vont revenir. Encore lâcher du feu. Tout va s'arrêter. Pour toujours. Et on ne sera plus là. C'est ça, mourir. On va mourir. Mais non, ma chérie. Fais-moi confiance. Je suis là. Maintenant, dis-moi. Puisqu'on va mourir. Je veux absolument que tu me dises. J'ai vraiment pas de papa. Allons. C'est pas le moment. Je veux savoir. Réponds. Dis-moi la vérité avant que les avions viennent. Après, on sera tous morts et ça sera trop tard. Il s'appelle Auguste. Voilà, ma petite Nani, ça suffit maintenant. C'est tout ce que j'ai su. Tout ce que j'ai pu arracher à ma mère, au milieu des 6000 tonnes de bombes tombées cette nuit-là. On n'en avait plus jamais reparlé. Jusqu'à la photo tombée du sac, chez Bocuse. Plus de 30 ans après. Non. Non. Stop. Stop. Non. Non. Non. Annie. Quoi? C'est moi, Jean-Claude. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un cauchemar. Oh, excuse-moi. J'ai souvent des frayeurs nocturnes. C'est à cause des bombes. Celle de la guerre et puis celle de la vie. Je t'ai empêché de dormir? Non, pas du tout. De toute façon, je te rappelle que tu joues tout à l'heure. Ah oui. Ah oui, le roi se meurt. Oh, celui-là, il revient tous les soirs. Marie va arriver, elle va nous faire un café. Ouais, je vais y aller, moi. Il est déjà tard. Mais t'es déjà préparé? J'ai rien entendu. J'étais pas trop saoulé hier. J'ai beaucoup parlé, non? Ta tête était encombrée. Grâce à toi, j'ai déblayé une zone d'ombre. Une zone d'ombre, c'est comme la zone occupée. C'est celle-là qui détraque nos vies. Ouais. Fais-moi une place. C'est fou, hein, comment on peut s'épuiser à vouloir garder un petit quelque chose qu'on a quelque part dans la tête. Une présence floue. Autant vouloir scruter une simple silhouette dans un film. Mon père, au fond. Il me manque à en crever. Voilà tout. Et ta mère qui te servait de tuteur n'est plus là. Faut que tu avances maintenant, Annie. Allez, sors du lit. Debout. Maman s'était arrangée pour colmater les brèches. Elle faisait écran. C'est pour ça que j'en prends plein la figure maintenant. Faut parfois tirer un trait et foncer vers ce qu'on veut. Comme t'as fait à 20 ans. Exactement. Si je m'étais pas tiré, je serais militaire. Ouais. Mais moi j'ai 58 ans, Jean-Claude. Arrête avec ça. T'as encore un tas de films à tourner, des amours à vivre, c'est pas fini. L'amour. Même Renato est mort. Mais t'étais plus avec lui depuis des lustres. C'est le père de ma fille, il est à part. T'as quand même trompé aussitôt marié. Allez, j'y vais. En fait, j'aurais dû complètement oublier mon père. J'aurais été une femme plus équilibrée. C'est à cause de ça que je me suis tout le temps fourrée dans des situations tordues. Je cherchais, je sais pas quoi. Si je l'avais viré de mon existence, j'aurais su construire une vie de couple. Avoir un mari près de moi, des choses normales, quoi. Avec ce père qui m'a hanté comme un fantôme, tout a été de travers. J'aurais dû le sortir de ma tête dès le début. Un point, c'est tout. Et tu ne serais pas la grande comédienne que tu es. Celle qui touche, qui parle à tout le monde, hein, qui bouleverse. T'as préféré les Français. Ah, ça. L'amour du public. Ça a été essentiel. Quand j'ai reçu un Molière pour l'ensemble de ma carrière, j'ai été comblée. Molière, ça commence par M. Une récompense pareille. Ça vous fixe dans la mémoire du théâtre français. Là, j'ai su que je resterais. Ça m'a enlevé un poids, cette reconnaissance. Je me suis enfin sentie plus légère. Je pouvais commencer à m'envoler. Comme un petit oiseau. Sans passé. Ni chagrin. Maman. Maman. C'est l'infirmière, madame Girardeau. Bah oui, oui. T'es infirmière, maman. T'es une belle sage-femme. Très belle. T'as eu beaucoup de naissances aujourd'hui? Nous ne sommes pas dans la maternité, ici. Et ta blouse blanche? C'est pas une blouse blanche, peut-être? Il faut prendre ce médicament. Tenez. C'est bien gentil. Voilà. Votre fille Julia va venir vous voir tout à l'heure. Je connais pas. Elle vous ressemble. Elle est magnifique. Et elle est fière de vous. C'est bien gentil. On voit pas pourquoi, mais... Vous êtes Annie Girardeau? Oui. Une immense comédienne. Tout le monde vous connaît. C'est amusant, ça. Il fait beau. Vous pourrez vous promener dans le parc? Oh! Ah oui! Il y aura des gens. Pourquoi? Des gens! Des gens, quoi? C'est bien, les gens, partout. Ils sont gentils, tu sais. Je les aime beaucoup, les gens. Oh, ah oui! S'il y a des gens, on ira se promener. On ira les voir. Oh, les gens, c'est tellement bien. On leur donnera des cadeaux. Ou alors, on leur jouera quelque chose. On leur chantera une chanson. Hein? Oh, tu veux bien, c'est tellement beau, les gens. Ils nous aiment, ils sont tellement gentils. Il faut les aimer. Il faut prendre soin d'eux. Ils nous abandonnent jamais, hein, maman? Il faut prendre soin des gens. Comme tu fais. Hein, maman? Annie Girardeau, l'inoubliable. De Isabelle Bourna. Avec Annie Girardeau, Marie Réache, Raymonde, Anne Benoît, Jean-Claude Brialy, Arnaud Bédouet. L'infirmière, Yaël Eladad. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Pierre Mine, Émilie Couette. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Catherine Lemire. commença ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins, que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire des roulants. Aujourd'hui tu ballottes en des eaux moins tranquilles. Tu t'acharnes et tu flottes. L'amour, où est-il? L'ambition a des lois. L'ambition est un culte. Tu voudrais que ta voix domine le tumulte. Is your heart still as pure as it was in your dream? Do your thoughts still endure like ripples on a stream? Were you always the same, thinking others are fools? Are you playing a game and making up the rules? Do you cherish your love or regret with a sigh? Do you laugh at the world as each day passes by? Tu voudrais que l'on t'aime un peu comme un héros, mais qui saurait quand même faire des roulants. You're sincere, I believe. To yourself you are true. But what will you achieve when miracles are few? Nothing ever can stay, though you think you're supreme. Memories fade away like ripples on a stream. S'il y a tous ces témoins que tu veux dans ton dos, dis-toi qu'ils pourraient bien devant tes ronds dans l'eau te prendre pour l'idiot. L'idiot de ton village qui lui est resté là pour faire des ronds dans l'eau. Ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... à moi, le cinéma français a manqué. Follement. Et perdument. Douloureusement. Excusez-moi. Et... votre témoignage, votre amour me... il faut penser que peut-être, je le dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Annie Girardot, l'inoubliable, notre invité Léo Bardon qui fut son assistant personnel pendant 15 ans. Bonjour Léo Bardon. Bonjour Fabrice Drouel. Comédien de formation, vous avez suivi les cours Simon, puis vous avez été assistant auprès d'Annie Girardot pendant près de 15 ans. Vous avez ensuite travaillé comme assistant réalisateur, régisseur, adjoint sur des séries de télévision et au cinéma. Vous avez publié enfin ce livre que je tiens entre mes mains d'ailleurs et qui s'appelle « Annie, te souviens-tu ?» aux éditions Michel Lafon. C'était en 2009. Léo Bardon, merci d'être avec nous et d'être parmi nous pour évoquer la carrière et la vie d'Annie Girardot, parce qu'il y a une dimension personnelle pour vous. Dans votre livre, vous commencez d'ailleurs par rapporter une anecdote très dur, mais que je tiens à citer. Vous êtes assis tous les deux avec Annie Girardeau dans le salon, vous regardez la télé. Et puis, brusquement, Annie vous dit, en se tournant vers vous, « Bonsoir, vous allez bien ?» Et vous lui répondez, « Mais enfin, Annie, c'est moi, Léo. » Et elle répond, « Ah bon, vous connaissez Léo ? Vous savez, Léo, c'est mon copain. Hein. » Et là, évidemment, vous ne répondez rien. À partir de ce moment-là, vous comprenez la maladie qui touche Annie. Effectivement, bon, je comprends la maladie. Ce qui est le plus difficile, en fait, c'est que quand on vous regarde, qu'on parle de vous et qu'on vous dit des choses qu'on ne vous a pas dit pendant des années. Et là, je suis effectivement stupéfait de ce que j'entends. Je me dis, mais c'est terrible. Je suis face à elle et elle me voit pas. Et il se passe quoi après ? Et elle sait pas qui je suis. Bah, il se passe qu'en fait, je détourne l'attention très très très vite. Je fonce dans la cuisine, je vais préparer quelque chose à grignoter. Et tout à coup, elle se retourne dans la cuisine et elle me voit. Et elle me fait « Ah bah t'es là, je t'avais pas vu. Oh, bah, si t'es là, c'est qu'on va manger. Donc, c'est super. » Voilà. Je sais pas si vous imaginez ce que ça peut créer dans la tête de quelqu'un qui a toute sa tête, si je puis dire encore. Mais moi, je me suis dit « Mais comment cela est-ce possible ?» Donc c'est très compliqué. D'ailleurs, on dit, Léo, que la maladie d'Alzheimer, bah, c'est une maladie double. Hein, elle touche le patient ou la patiente, mais c'est aussi la maladie de l'entourage. Oui, absolument. À cause des redondances, parce que vous imaginez bien que toute la journée, on vous pose des questions qui sont pratiquement les mêmes. Ça dure pas 5 minutes, ça peut durer des heures, voire des journées entières, et voire même des semaines et des mois. Ensuite, ça touche parce que bah, vous êtes complètement déconnecté de la vie extérieure aussi. Vous êtes déconnecté de la vie intérieure, c'est-à-dire de vos proches, de votre vie personnelle. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'au lieu de penser pour un, vous êtes obligé de penser pour deux. Ouais. Et ça, c'est très compliqué. Donc, je ne crois pas que l'être humain soit fait pour ça. Je pense que l'être humain est fait pour penser une seule fois et non pas deux fois. C'est assez compliqué quand même d'exprimer, mais c'est vrai qu'il y a quelques fois, je me disais, si on fait ça, attention, qu'est-ce qui va se passer? En fait, je pensais beaucoup plus à elle que je ne pensais à nous, ce qui allait nous arriver. Voyez, donc ce qui fait qu'effectivement, ça a touché. D'abord, ça a touché ma vie privée, ça a touché ma vie professionnelle, puis tout est parti en éclats, quoi. Oui, les gens qui souffrent d'Alzheimer sont comme dans une citadelle. Elle est difficile à assiéger, la citadelle, hein, parce qu'on a peur de faire des dégâts, quoi, au passage. Bah, on essaye d'y rentrer. Ouais. Et quand on y rentre, on a peur que, effectivement, on casse tout. Et c'est très compliqué. Moi, je reconnais qu'au début, qu'on a su qu'Annie était malade, on n'avait pas toutes les informations que l'on a aujourd'hui sur la maladie d'Alzheimer, qui sont extraordinaires d'ailleurs, parce que ça fait avancer les aidants surtout. Et je me souviens d'une chose, c'est que au tout début, quand elle regardait à l'extérieur et qu'elle me disait oh bah dis donc, il fait nuit, première chose que je lui disais, c'est non, il fait pas nuit, Annie. Il fait jour. Ouais. Et en fait, j'ai compris plus tard qu'il fallait surtout pas adopter cette attitude. Parce que si j'adoptais cette attitude, eh bien, on braquait en fait la personne. Parce qu'elle comprenait plus. Donc quand elle disait il fait nuit, bah oui, il fait nuit, même s'il faisait jour. Alors, on a diffusé une archive saisissante, hein, c'était en 1996, Annie Girardeau recevait un César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Les Misérables de Claude Lelouch. La comédienne bouleversée, mais pas dupe, hein, accueille ce prix comme un cadeau de consolation, amer, mais terriblement lucide et émouvante quand elle dit, je le répète parce que la phrase est tellement forte, je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais le cinéma m'a manqué follement, éperdument, douloureusement. Et elle conclut, votre témoignage et votre amour me prouvent que je ne suis pas encore tout à fait morte. Et puis en 2002, elle a reçu un nouveau César pour un second rôle encore, dans Le Pianiste de Michel Haneke. Vous en avez parlé ensemble, qu'est-ce qu'elle vous a dit à propos de ces prix? Qu'est-ce qu'elle vous disait? Alors, le premier, 1996, donc moi je suis un petit peu nouveau dans la maison, puisque je suis arrivé en 94. Ouais. Je me souviens de cette journée, je peux vous dire que je m'en souviens encore, parce que j'ai compris en fait comment ça fonctionnait bien plus tard. Toute la journée, on n'arrêtait pas de nous appeler pour nous dire, n'oubliez pas, on vient la chercher à 19h. N'oubliez pas, on vient la chercher à 19h. Et à chaque fois, elle me disait, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je sais pas, on vient te chercher à 19h. Elle me fait d'accord. À un moment, elle va dans son bain, on est à la maison. Elle prend son bain et elle me dit « Bon, de toute façon, je vois pas pourquoi je vais y aller, puisque de toute façon, je l'aurai pas. » Je fais « Annie, écoute, étant donné qu'ils arrêtent pas d'appeler, je pense qu'il faut que tu y ailles. » Et je sens qu'elle marmonne quelque chose, mais on sait pas trop ce qu'elle marmonne. Puis finalement, j'entends une bride de phrase, et je me dis, tiens, je crois qu'elle est en train de préparer son discours éventuellement. Mm-hmm. Le soir, où il y a la cérémonie, moi je suis à la maison avec Lola et Renato, nous sommes devant la télé, et quand les caméras se braquent sur elle, pour dire que c'est elle qui a le César, je vois tout de suite à sa tête que ce qu'elle avait dit à la maison, ça n'allait pas du tout être ce qu'elle a dit sur scène. Ouais. Et effectivement, elle parle avec son cœur. Et c'est ça qui est formidable, parce que les gens ont retenu ce qu'elle a dit, parce que c'était avec le cœur. Alors, on va... C'était pas préparé d'avance. Bien sûr, et ça lui ressemble, hein, parce que c'est l'image qu'elle nous renvoyait. En tout cas, nous qui ne l'avons pas connue intimement comme vous, elle nous renvoyait cette image d'une femme de cœur, et qui allait si bien d'ailleurs avec son métier d'actrice, finalement, parce que ça ne pouvait passer que par un flot de sincérité. Oui, les Russes disent « Annie, c'est un cœur sur pattes ». J'aimais beaucoup cette expression. Et je disais toujours, j'ai de la chance parce que à la maison, j'ai Annie, dehors, j'ai Girardeau. Ah. Donc à la maison, c'est une Annie, tout ce qu'on veut, alors c'est... Comme dans les films, hein. C'est-à-dire c'est la douceur, la tendresse, l'amour, puis de temps en temps on s'engueule, et à l'extérieur, là il faut faire super gaffe parce qu'on a affaire à Girardeau, donc c'est un petit peu plus de souplesse, de protection, d'amour de l'extérieur, c'est-à-dire que Annie, quand elle sort, elle est tellement populaire que les gens viennent l'embrasser, viennent lui parler, lui racontent même leur vie, c'était terrible. Moi j'ai passé des journées entières avec elle où les gens lui racontaient tout. Hein. Ouais. Et c'était une femme aimante. C'est-à-dire que jamais, jamais je ne l'ai vu dire du mal à quelqu'un. Parce que lui a demandé un autographe, ou parce qu'il a voulu prendre un verre avec elle, ou quoi que ce soit. Si vous me le permettez, Fabrice, moi je vais vous raconter une petite anecdote. Allez-y, avec plaisir. On était un jour, pas très loin de la maison, il y a un petit jeune qui rentre, il est en scooter, et il fait « Bonjour, je cherche la rue du Pot-au-Chou ». Annie se retourne, elle lui dit « La rue de Pot-au-Chou, c'est pas compliqué. » Alors tu vois, tu prends à droite, tu vas tout droit, ensuite tu prends à droite, et puis t'y es. Et je vois le gamin, mais estomaqué. Parce que le gamin se dit « Mince, je connais la dame, je sais pas qui c'est. » Puis d'un seul coup, il se rend compte qu'il connaît très bien la dame, et qui sait qui elle est. Donc il va reprendre son scooter, et il revient, et il lui fait « Excusez-moi madame, est-ce que je peux vous demander un autographe ?» Elle lui fait « Ouais, mais est-ce que t'as compris où était la Pot-au-Chou ? » Alors tu continues, tu vas toujours tout droit, tu prends à droite, etc. Et quand elle signe sur l'autographe, elle met à ce petit tourtereau qui cherche son nid. Et j'ai trouvé ça, mais fabuleux. Léo Bardon, on va reprendre cette discussion dans 3 minutes, hein, après avoir écouté un disque. Et on va parler d'Annie Girardeau. Bien sûr, on va revenir sur la maladie, mais on va aussi parler d'Annie Girardeau quand on l'a connue, rayonnante, actrice, comédienne, qui a quand même marqué, mais vraiment marqué le cinéma français, notamment des années 70. Elle a été l'une des grandes actrices. À tout de suite. Nous étions tous allongés, les 4 enfants autour de leur père. Les volets étaient tirés, seules quelques larmes de jour aux airs se glissaient dans la chambre, froide et triste. C'était 2 jours après, c'était en 5 janvier, nous étions tous les 5 allongés. Mon père nous rassembla avec ses 2 bras très forts. Il ne parlait pas perdu comme Annie Girardeau à l'aéroport. Nous pleurions tous les 5 enlacés sur leur lit, en fagot de chagrin jeté sur leur grand lit. Il venait d'enterrer sa femme en début d'après-midi. Je ne me souviens pas des quelques mots qui ont réussi à sortir de sa barbe. C'était peut-être des jolis mots. Je ne me souviens que de sa barbe. Je ne vais pas mourir tout de suite, ou bien je vais mourir jusqu'au bout. Je ne me souviens plus de ses mots, ni de grand chose. Moi j'étais glissé en dessous. Nous pleurions tous glacés sur leur lit, en fagots de chagrin, jetés sur leur grand lit. Il venait d'enterrer sa femme en début d'après-midi. On ne se rappelle pas de tout, mais jamais on n'oublie. Léo Bardon, nous vous retrouvons pour parler d'Ali Girardot, à côté de laquelle vous avez cheminé de façon très très proche. Donc vous le disiez tout à l'heure, je connais Annie et puis je connais Girardot. Ben voilà, exactement. Alors on va parler de Girardot avant de reparler d'Annie. La place qu'elle a tenue dans le cinéma français, j'imagine qu'elle en était consciente. Elle savait que c'était une immense star en France, hein, dans les années 70. On l'a tant vue dans ces fameux films qu'on regardait le dimanche soir, hein, le film du dimanche soir. Il y avait souvent voilà, Annie Girardot. Elle avait conscience de la place qu'elle tenait dans ce pays, la France, qui est aussi le sien, et comment elle vivait cela. Alors, par honnêteté, je vous dirais que j'ai essayé de lui demander un jour, de lui dire, mais est-ce que tu es au courant quand même de tout ce que tu as fait, du bonheur que tu as donné aux gens? Je crois que son humilité m'a répondu, je pense pas avoir fait autant de choses que ça, tu dois te tromper. Et je lui ai dit, non, je te promets, tu as fait plus de 200 films, tu es une femme qui est aimée. Et elle me dit, ah bon, bah alors si j'ai pu donner du bonheur aux gens, j'en suis heureuse. Mais c'était quoi? C'était pas de la fausse modestie? C'était de la pudeur? C'était quoi? C'était de la pudeur, oui, je pense. C'était une femme quand même très pudique. Hein. Je sais que quand les gens l'abordaient, elle en avait très peur quelque part, parce qu'elle disait « Mais pourquoi moi ?» Je sais que c'était bizarre hein, comme réaction, mais elle disait souvent « Mais pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Mais par exemple, le film « Mourir d'aimer » d'André Cayatte en 1971, elle vous en a parlé de celui-là. Je parle de celui-là parce que peut-être, alors après tout c'est aussi un peu personnel, mais je trouve que c'est le film emblématique d'Annie Girardot, parce que c'était lié à un fait divers qui avait existé, qui avait tellement touché les gens, et puis elle incarnait tellement bien cette prof, prise dans une dame ordinaire, prise dans une histoire extraordinaire et dramatique, et elle l'avait tellement intériorisée, elle s'était tellement appropriée le destin de cette femme. Parce que c'était une histoire de femme et une histoire d'amour. Eh oui, ça lui ressemble. Eh oui, donc ça lui ressemblait. C'est une histoire de femme, parce qu'elle aimait les femmes. Elle aimait, c'était une défendresse, je dirais, pas de la cause féminine, parce qu'elle n'aimait pas ce côté féministe, ça je peux vous le dire. Mmh. Et c'est surtout parce que c'était de l'amour, c'était une histoire d'amour. C'était pas politique, si vous voulez, ouais. Vous voyez. Il fallait peut-être bouleverser les choses, parce que peut-être qu'effectivement, à l'époque... Bon, c'était compliqué à l'époque, c'est vrai. Mais à l'époque, il fallait faire avancer le système. Mais elle l'a fait, parce qu'avant tout, c'était une histoire d'amour entre un homme et une femme. C'est-à-dire sa vie. Est-ce qu'elle était... Vous savez, les comédiens sont... Enfin, je ne vais pas généraliser, mais souvent des gens entiers. Je reviens à la sincérité. Le graal d'un comédien, c'est la sincérité. Hein, c'est, y compris au théâtre. Ça, elle était, hein, je vous le dis, moi, elle était entière. Hein. Bien sûr. Est-ce que dans la vie, elle avait ce côté envahissant, positivement envahissant, voire fatigant, que peuvent avoir certains comédiens, et souvent d'ailleurs les meilleurs. Une fois de plus, je ne globalise pas mon propos. Hein, voilà. Mais peut-être que ce portrait-là lui collait à la peau. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer, je ne sais pas. Non, envahissant, je sais pas. D'abord, c'était très difficile de s'engueuler avec elle, mais quand on s'engueulait, ça se passait très vite. Puis elle avait toujours ce petit mot qui était très intelligent, c'est qu'une fois qu'elle se rendait compte qu'on s'était pris de bec pendant une minute, elle vous regardait tendrement avec ses yeux, comme elle sait faire, et elle vous disait « Tu m'aimes ?» Alors, qu'est-ce que vous voulez faire à ça? Vous répondez « Oui ». Et puis là, elle a gagné. Voilà, elle était heureuse. C'était terrible, hein. Je me suis fait avoir quand même tout le temps. Pendant 15 ans, je me suis fait avoir. Mais en même temps, c'était un jeu avec elle, j'aimais bien. Bah oui, vous étiez prisonnier de son charme, en fait. Prisonnier de son charme, oui, puis prisonnier aussi de pas avoir envie de lui faire du mal. Ouais. Parce que c'était une femme qui était extraordinaire, puis toujours attentive aux autres, toujours vouloir faire des cadeaux, toujours demander... bon, comme vous avez lu dans le bouquin, j'avais mon compagnon à l'époque qui travaillait avec nous, et elle me disait, avec tout ce qu'il me fait, tout le bien qu'il me donne, qu'est-ce que je peux lui offrir comme cadeau? Enfin, c'était ça qui était terrible, c'est que Elle avait toujours peur, en fait, de pas être à la hauteur et de donner ce qu'elle pouvait donner. D'où, j'imagine, cette grande tristesse, cette amertume, cette blessure majeure qui a été ce sentiment d'abandon des professionnels, du cinéma, parce que il y a eu comme ça ce tournant. Elle est très marquée comédienne des années 70, ce qui n'a rien de péjoratif, hein, c'est juste un marqueur temporel. Puis à un moment, le cinéma, il évolue, puis elle n'y est pas. Elle n'est pas dedans. Elle a ce sentiment d'abandon, ça s'exprime, encore une fois, auprès en direction des professionnels ou du public. Qu'est-ce qu'elle pense, là? Qu'on ne l'aime plus ou que c'est l'industrie du cinéma et le cinéma qui la lâche? C'est très étrange parce que quand j'entends votre question, ça me fait penser que une fois on en avait parlé et elle me disait c'est la vie et ainsi va la vie. C'est-à-dire qu'à un moment, d'ailleurs, si vous reprenez, je crois que j'ai vu ça une fois dans une interview, une image de Lina, elle dit un jour je suis là, le lendemain je suis plus là, c'est pas grave. Mm-hmm. Je pense que ce qui lui a fait le plus mal, ce sont peut-être ceux qui lui ont tourné le dos. Sauf que elle m'en a jamais parlé. Parce qu'elle était extrêmement discrète et qu'elle ne disait jamais de mal de quelqu'un. C'était pas quelqu'un qui foncièrement était méchante. Il n'y en a jamais, jamais, je l'ai jamais vu chercher à faire de la méchanceté autour de soi. Au contraire. Ce qui n'étonne pas d'ailleurs, hein, moi qui ne l'ai jamais connu, je suis pas étonné quand vous me dites ça parce qu'elle dégageait cela, vraiment. Oui. Je voudrais vous poser une dernière question, Léo Bardon. On va revenir sur cette période douloureuse de la maladie. Son avant-dernier film avec Jane Birkin a été évidemment difficile. Elle incarne une vieille dame atteinte de la maladie d'Alzheimer, cette même maladie qui allait stopper sa carrière 4 ans avant sa mort en 2011. C'est ce qu'on appelle une mise en abîme. Et sans mauvais jeu de mots, oui, tombe dans l'abîme pour le coup. Vous l'accompagnez, comment ça s'est passé, cette période-là? Les derniers moments de jeu, comment vous l'avez géré? Alors d'abord, il faut savoir que quand Jane est venue à la maison et pour lui dire qu'elle souhaitait qu'elle joue ce fameux rôle dont j'ai perdu, je crois que c'est Germaine le nom, je me souviens plus du prénom, Annie, elle avait les yeux qui étaient ouverts, écarquillés, heureuse, parce que c'était Jane Birkin. Ah oui. Je peux vous dire que je me rappelle de cette scène, parce que d'un seul coup, flottaient dans l'appartement des anges partout. C'était magnifique. Quand on est arrivé sur le tournage, Annie était extrêmement heureuse de tourner. Le problème, c'est que le tournage a été un peu retardé, il y a eu beaucoup d'attentes. Donc là, on a eu très très peur. Donc il y avait Anne Seyer qui était avec moi, qui était le coach d'Annie, qui est une amie, qui d'ailleurs, Anne, avait joué dans Le Roi Sommer avec Annie en 1988, ce qui est quand même énorme. Et le tournage était assez dur, parce que d'abord, il faisait super chaud. On était au bord de la mer, d'accord, mais il faisait très très chaud. Et au moment où on arrive sur le plateau, Anne me dit, on a tellement attendu, j'espère que ça va bien se passer. Finalement, Jane a été ce qui s'appelle fantastique, très patiente, les techniciens ont été extraordinaires. Dès qu'il y a eu moteur, là, je peux vous dire que tout le monde, et vous allez m'excuser l'expression, est tombé un peu sur le cul, parce qu'ils ont vu la grande dame qui est Annie Girardot. Et ça, c'est énorme. Et on est venu me voir en me disant, c'est fou cette histoire. Oui, c'est fou cette histoire. C'est-à-dire qu'il suffisait de dire moteur, que tout soit éclairé, et là, tout s'illuminait. C'était ça la chance qu'on avait avec Annie. Léo Bardon, on va terminer sur cette note positive, hein, que vous venez de nous raconter. Voilà, merci. Sur l'amour qu'elle avait de tout le monde et de son métier. Elle aimait son métier. Merci infiniment pour votre témoignage, Léo Bardon. Merci, au revoir. Merci Fabrice. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Annie Girardot, l'inoubliable. Une fiction écrite par Isabelle Bourna, réalisée par Catherine Lemire et Alexandre Fougeron. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Stéphane Poitevin et Charles Mélinger.